Chapitre 33. La bordure extérieure, le Third Horizon. Voilà donc ce qui a causé tant de souffrances, déclara la chancelière Lina So depuis ses bureaux de Coruscant. Elle contemplait un holo HD projeté par l'un de ses droïdes COM, tandis qu'Avar Kriss et les autres membres de la force opérationnelle chargée des émergences étaient rassemblés devant un écran vide de la salle de briefing du Third Horizon. Mais les images étaient les mêmes. La dernière chose que les scanners du Legacy Run avaient vue avant que le vaisseau ne se disloque. Cette chose était un vaisseau, hideux et anguleux, avec trois zigzags lumineux dessinés sur sa coque. Exactement ce qu'avait décrit Serge Hukarian à bord du Panacea. Trois éclairs qui, pour les équipes du sénateur Nour, correspondaient bien à l'emblème utilisé par les pillards de la bordure extérieure, connu sous le nom de Nihil. L'appareil se déplaçait à travers l'hyperespace, mais pas le long du tunnel tourbillonnant, comme c'était le cas pour tous les vaisseaux à bord desquels Avar avait déjà voyagé. Le vaisseau des Nihil, lui, croisait l'hyperespace à angle droit par rapport à la trajectoire du Legacy Run. Il était également suivi dans son sillage d'une étrange turbulence rouge et or. « Il m'avait pourtant semblé comprendre que c'était impossible », commenta Lina So, sa main gauche caressant distraitement la tête de l'un de ces deux félins géants. Avar connaissait leurs noms, Matari et Voru étaient célèbres à travers toute la République, mais n'aurait su dire lequel était Matari et lequel était Voru. Les paroles de la chancelière étaient légèrement décalées en raison de la distance qui séparait Coruscant des territoires de la bordure extérieure. Les communications de niveau sénatorial bénéficiaient d'une priorité absolue dans l'utilisation des relais, mais un parsec restait un parsec. On pouvait espérer que cela évolue un jour. L'amélioration du réseau des communications galactiques faisait partie des grandes œuvres planifiées par Lina So, mais rien ne risquait d'arriver tant qu'ils n'auraient pas trouvé une solution au problème qui les occupait à cet instant précis. « Cela devrait être impossible, chancelière !» intervint Vélis Santeca, assis à la table près de son partenaire Marlow, qui acquiesçait d'un hochement de tête. Avar perçut quelque chose dans cet échange. Une forme de communication silencieuse entre les Santeca. Une attention particulière dans le choix des mots. Peut-être qu'Elzar avait raison, songea-t-elle. Peut-être qu'on aurait dû se montrer un peu plus incisif avec eux. C'était visiblement ce qu'il pensait lui aussi. Il était assis en face d'elle, de l'autre côté de la table, et son regard capta le sien. Ce n'était rien de plus qu'un petit coup d'œil, mais elle savait parfaitement ce que cela signifiait, sans même qu'il soit nécessaire de se servir de la force. Elle répondit à Elzar par un haussement discret des épaules. Même si les Santeca n'avaient pas dit tout ce qu'ils savaient, leur aide avait été sincère et inestimable. Keventar lui avait confié qu'il n'aurait jamais pu réaliser son réseau de navidroïdes sans leur collaboration. Elle ignorait à quel point c'était vrai. L'ingénieur Hetzalien était indubitablement un génie, mais les Santeca avaient indubitablement aidé Keven à achever le réseau plus vite et la rapidité était la clé dans ces circonstances. Le génie en question était présent par le biais d'un autre écran, un droïde COM projetant son image holographique contre l'un des autres murs blancs de la salle de briefing. Tar était resté sur la lune racine de Hetzal, où il se servait de son réseau pour analyser les données récupérées dans l'enregistreur de vol du Legacy Run. Le gigantesque cerveau informatique hétéroclite avait été totalement réparé suite aux dégâts causés lors de sa première activation. En fait, il n'avait pas seulement été restauré, mais amélioré. La chancelière So avait ordonné au secrétaire des transports Lorilia de fournir à Keventar autant de navidroïdes qu'il en aurait besoin. 1 million même, si nécessaire, et quel qu'en soit le coût. Quelqu'un pourrait-il résumer les principales conclusions auxquelles nous sommes arrivés jusqu'à présent, je vous prie? Demanda Lina So. Tout le monde se tourna vers Avar. Elle avait fini par prendre, malgré elle, la tête de la force opérationnelle, alors même que la pièce contenait un amiral, un sénateur et diverses autres sommités. Nous avons appris qu'un groupe se faisant appeler les Nihil était directement lié à la catastrophe de Hetzal et aux émergences qui en avaient résulté, Il s'agit d'une organisation criminelle de petite envergure, sévissant dans la bordure extérieure. Des pillards, pour faire simple. Ils ont commis des atrocités, mais ils constituent un problème régional géré au cas par cas par les forces de défense et les équipes de sécurité locales. Aussi maléfiques qu'ils puissent être, ce sont des bandits à la petite semaine. Il semblerait, bien que ce ne soit encore qu'une hypothèse, que ce qui s'est passé à Edzal leur ait donné la capacité de prédire les émergences, tout comme le réseau de navidroïdes de Keventar. De ce qu'on en sait, ils se sont servis de cette aptitude à deux reprises. Une première fois au-dessus d'Eriadou, dans le cadre d'une tentative bâclée d'extorsion, et la seconde lors de la 40e émergence, où ils ont essayé d'empêcher nos équipes de récupérer l'enregistreur de données de vol du Legacy Run, sachant qu'il permettrait de les relier directement à l'ensemble de la catastrophe. C'est à cette occasion que nous avons perdu l'une de vos collègues, le chevalier Jedi Teami, ainsi que deux courageux pilotes de Longbeam, Marcus Augur et Bess Peters. Est-ce exact ? Avar inclina légèrement la tête en signe d'acquiescement. La chancelière réfléchit un instant tout en grattant derrière l'oreille du Targon, qui émit aussitôt un ronronnement de plaisir. Pensons-nous que ces Nihils ont causé la catastrophe du Legacy Run de façon intentionnelle ? Ça ne semble pas le cas, répondit Elza Arman. Il indiqua l'écran vide principal qui continuait de montrer en boucle le vaisseau des Nihils croisé le tunnel de l'hyperespace. Il s'agit clairement d'un vaisseau paré au combat. S'ils avaient voulu détruire le Legacy Run, ils auraient pu se contenter d'utiliser leurs canons, ce qu'ils n'ont pas fait. Si le Legacy Run s'est disloqué, c'est parce qu'il a essayé d'éviter l'impact. De plus, comme Maître Chris l'a noté, ce n'est qu'une bande de pillards de la bordure extérieure. Des opportunistes, pas des planificateurs. Tout cela ressemble à un terrible accident. Un accident dont ils ont su rapidement profiter à Eriadou, intervint le sénateur Nour en frappant du poing sur la table. Un accident qui a coûté très cher au territoire de la bordure extérieure en nombre de vies fauchées, d'opportunités manquées et de ressources saccagées. Ils doivent être tenus pour responsables. Derrière lui, sa conseillère hocha la tête. C'était une chagrienne à la peau bleue, grande et mince, à la tenue et aux manières toujours impeccables. Johnny Wataro, se rappela Avar. Ils le seront, lui assura la chancelière Sou en levant la main. Tout d'abord, nous devons déterminer si cela risque de se reproduire. Messieurs Santeca, quel est votre avis ? Marlowe et Vélis échangèrent un bref regard avant de parler. Nous croyons qu'il s'agit d'un tragique coup du sort, chancelière, répondit Marlowe. Nous ne pensons pas qu'il y ait un problème global avec l'hyperespace. Toutefois, ceci... Il montra du doigt l'écran vide où défilaient toujours les images du vaisseau à la silhouette grossière croisant encore et encore le chemin du Legacy Run, laissant cette étrange traînée rouge et or dans son sillage. Suggère que les Nihils ont une compréhension de l'hyperespace qui est au mieux unique, au pire extrêmement dangereuse. Il est nécessaire d'enquêter à ce sujet, et rapidement. Eh bien, c'est parfait, alors, se réjouit le sénateur Nour. Vous avez entendu l'expert, chancelière. Tout va bien avec l'hyperespace. La bordure extérieure souffre de la situation, et je sais que vous voulez voir le flambeau stellaire devenir opérationnel. Il est temps de rouvrir les voies. Pas encore, sénateur, répliqua Lina Sow. Nous savons ce qui s'est passé, plus ou moins. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agissait d'un accident cette fois-ci que cela ne pourrait pas être reproduit de manière intentionnelle à l'avenir. Ce ne serait pas tellement surprenant que des pillards se transforment en terroristes. Cette menace doit être éliminée. Le sénateur Nour commença à bafouiller de nouvelles objections. Cela suffit, Nour, l'interrompit la chancelière. J'ai pris ma décision. Je sais que vous êtes inquiet pour la bordure, je le suis également. Mais ma responsabilité s'étend à toute la galaxie, et au cas où vous l'auriez oublié, l'hyperespace permet d'aller partout. Si les Nihils peuvent nous attaquer à l'intérieur des hypervoies, alors nous ne sommes plus à l'abri nulle part. Elle se tourna vers l'amiral Krunara qui se tenait à l'autre extrémité de la salle de briefing. Amiral, je veux que vous donniez effet aux dispositions de défense contenues dans les accords de la CDR. Rassemblez une flotte en piochant dans les mondes signataires et traquez les Nihils. J'ai lu les rapports. Même s'il n'y a vraiment plus de risque à voyager dans l'hyperespace, il n'en demeure pas moins que de dangereux criminels ne devraient pas sévir en toute impunité. Et même s'ils limitent leurs attaques à la bordure extérieure, nous sommes tous la République. Très bien, chancelière, dit-il l'air ravi. En même temps, c'était un amiral. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où pourrait se trouver la base des Nihils ? Demanda la chancelière Sceau. Leur quartier général ? Si je peux me permettre, chancelière ? Intervint Keventar en levant la main. J'ai déjà configuré mon réseau pour qu'il calcule le point d'origine probable du vaisseau qui a provoqué la catastrophe du Legacy Run. Il provenait d'une zone près de la nébuleuse de Cœur. J'ignore s'il s'agit de leur base, mais c'est un bon endroit pour commencer. Parfait, monsieur Tar, répondit-elle avant d'embrasser du regard la salle de briefing du Third Horizon. Vous avez tous très bien travaillé jusqu'à présent. Vous avez découvert la cause de cette tragédie. Maintenant, je vous confie une nouvelle mission. Faire en sorte qu'une chose pareille n'arrive jamais plus, quel qu'en soit le prix. La chancelière Lina Sceau se pencha en avant, et ses deux félins géants, qui semblaient avoir perçu l'intensité émotionnelle de leur maîtresse, levèrent la tête, oreilles aplaties dans une démonstration d'intimidation. Avar réalisa, en dépit de ses compétences et de sa formation, qu'elle était contente d'avoir la moitié de la galaxie entre cette femme et elle. Elle n'aurait pas voulu être à la place des Nihils, à savoir dans le collimateur d'une personne qui avait montré sa volonté de refaçonner une galaxie entière. « Je veux que ces Nihils soient traduits en justice, » proclama-t-elle. « Jusqu'au dernier. »